Face aux défis de notre époque, avez-vous les clés pour comprendre le monde qui nous entoure ? Économie, droit, intelligence artificielle, management, transition écologique ? Avec Dauphine Éclairage, le nouveau média scientifique en ligne, découvrez l'actualité décryptée par les chercheurs de l'Université Paris-Dauphine PSL. Grand dossier, podcasts, articles, vidéos, l'expertise universitaire accessible à tous. Dauphine Éclairage, comprendre le monde, éclairer l'avenir. Rendez-vous sur le site dauphine.psl.eu. La science CQFD, Natacha Triou. Les protéines jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement du vivant. En biologie moléculaire, l'enjeu est de comprendre leur fonctionnement et leur forme 3D. Quel rôle peut jouer l'intelligence artificielle dans cette quête ? AlphaFold, l'IA créée par DeepMind, faisait une percée spectaculaire. La start-up de Google, qui avait déjà créé AlphaGo, l'IA championne à ce jeu, a mis au point une IA capable de prédire à quoi va ressembler une protéine à partir de sa seule séquence. Sur les 200 millions de protéines connues, nous ne connaissons la structure 3D que de 20%. Le deep learning fait donc cette promesse, combler ses lacunes pour de grandes avancées médicales et la création de nouveaux médicaments. AlphaFold, la recherche protéinée par l'IA. Élodie Laine, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en biologie computationnelle à Sorbonne Université. Alexis Verger, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche au CNRS en biologie moléculaire et biologie structurale. Et Mathias Germain, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes journaliste pour le magazine La Recherche qui consacre pour son nouveau numéro un dossier sur l'IA et la médecine, magazine avec lequel nous sommes partenaires et vous co-animerez avec moi cette émission. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture et merci à vous d'être là au rendez-vous devant votre poste, en direct ou à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, anciennement Twitter, sur notre fil à Science CQFD, avec notre live tweet qui commence tout de suite. Alors comment l'intelligence artificielle peut-elle permettre la découverte de nouvelles molécules thérapeutiques ? Comment fonctionne AlphaFold, ce programme qui dessine des protéines ? Quelles sont les applications du deep learning en santé, mais aussi ses limites ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec notre archive du jour. Pourquoi les protéines sont-elles si essentielles dans le monde vivant ? Voici un premier élément de réponse en 1961. Tous les phénomènes biologiques, sans exception, dépendent de la présence et de l'action d'albuminoïdes ou de protéines. La vérité est qu'on ne saurait se représenter la vie sans protéines, qu'il s'agisse de ses formes les plus humbles ou de ses formes supérieures, l'homme par exemple. Il faut se représenter que presque tous les processus chimiques qui se déroulent à l'intérieur d'une cellule vivante, qu'il s'agisse d'élaboration, c'est-à-dire d'anabolisme, ou de dégradation, c'est-à-dire de catabolisme, sont de nature enzymatique. Indépendamment de l'activité enzymatique de certains de ses représentants, les protéines jouent un rôle prépondérant dans l'organisme vivant. En effet, un grand nombre des matériaux servant à élaborer les tissus animaux sont constitués par des protéines, par exemple les muscles et les tendons. La plus grande partie des composants du sang sont des protéines. L'hémoglobine, qui est chargée du transport de l'oxygène dans le sang et qui donne aux globules rouges leur couleur, est un complexe d'une protéine et d'un colorant. On ne peut pas dire que toutes les hormones soient des protéines, mais un grand nombre d'entre elles le sont. Ainsi, l'insuline du pancréas ou l'hormone de croissance de l'hypophyse sont des protéines. Des quantités importantes d'albumine sont des matériaux de réserve des graines. De nombreux poisons ou toxines fabriqués par les bactéries sont de nature protéique, et ainsi de suite. La liste des protéines est longue. Voilà la voix de la journaliste Bergamote Geoffroy sur la RDF en 1961. Alexis Verger, pour compléter ce qu'on vient d'entendre, pourquoi sont-elles si indispensables à de nombreux mécanismes pour le vivant, ces protéines ? Je crois que déjà le reportage que vous venez de faire écouter a bien dit les choses. C'est-à-dire que ce sont un peu les protéines, ce sont les acteurs de la vie d'une cellule ou d'un tissu ou d'un organisme qui effectue toutes les fonctions essentielles pour une cellule. Donc donc c'est très important de les comprendre. Et donc il y a eu le cas de l'hémoglobine qui a été donné ou de l'insuline. Et puis il y a aussi les récepteurs au niveau des membranes pour les contacts entre cellules ou pour réagir aux conditions de l'environnement. Donc ce sont des récepteurs, ce sont des protéines qui vont ensuite traduire le message passage à l'intérieur de la cellule par l'intermédiaire de protéines jusqu'au noyau. Toutes les fonctions essentielles d'une cellule et comment elle réagit à son environnement sont gérées par les protéines. Et le dit Hélène, votre réaction à l'écoute de cette archive? Oui, mais je rejoins Alexis. Donc, je pense que ça a été, on a eu un beau panel dans l'archive des différentes fonctions des protéines. Et donc, ça, toutes ces protéines qui font des choses différentes, elles ont aussi des formes différentes pour effectuer ces différentes fonctions. Et aussi, elles sont amenées à interagir ensemble et avec d'autres composés. Donc, je pense qu'il faut aussi bien voir ce réseau d'interactions un peu complexe qui se passe pour vraiment réaliser les processus biologiques. Ce réseau d'interaction reviendra évidemment dans le détail, justement sur la complexité de ces mécanismes et de ces phénomènes. Mathias Germain, vous aussi, votre réaction à cette archive de 61? Une réaction, je vais même complexifier les choses. En fait, les protéines sont nécessaires pour elles-mêmes. C'est que, en fait, les protéines agissent auprès des gènes pour être fabriqués, en fait. Donc, c'est une sorte de serpent qui se mord un peu la queue, quoi. C'est ça qui est un peu fascinant dans cet objet, c'est que finalement, elles sont partout et elles sont vraiment nécessaires au vivant, comme tous les intervenants viennent de le dire. Pour compléter ces présentations, Alexis Verger, de quoi est composée une protéine? Parce que pendant longtemps, leur structure est restée nébuleuse. Une protéine, c'est donc composé comme un collier de perles d'une suite d'acides aminés. C'est ça, donc il y a 20 acides aminés qui composent les protéines, donc c'est l'alphabet qui permet de composer les protéines, et après il y a une diversité assez incroyable. Vous pouvez avoir des protéines qui font une centaine d'acides aminés, des protéines qui font 2000 acides aminés, et donc la combinatoire et la diversité des séquences est énorme, puisque pour chaque position dans votre protéine, un acide aminé, vous pouvez avoir 20 possibilités. Donc, au niveau des séquences potentielles, si vous avez deux acides aminés, ça fait 20 fois 20 possibilités, donc vous avez déjà 400 séquences pour deux acides aminés. Si vous montez juste à 6 acides aminés, j'ai fait le calcul, vous êtes à 64 millions de séquences possibles, puisque à chaque position, vous pouvez avoir l'un des 20 acides aminés. Donc, ça fait 64 millions de séquences juste pour une séquence de 6 acides aminés. Donc, évidemment, pour des séquences, des protéines qui font 100 ou 1000 acides aminés, la combinatoire est énorme, quoi. Élodie Laine. Oui, donc effectivement, il y a une combinatoire qui est gigantesque. Alors, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que les protéines naturelles qu'on observe dans la nature, dans les organismes vivants, n'explorent pas tout cet espace de séquences possibles. Donc, en fait, elles explorent ce qui est représenté, c'est une petite partie. Une très petite partie, en fait, de cet espace de possible. Donc, c'est même ce qui motive le design de nouvelles protéines qui ne sont pas naturelles, un peu pour explorer cet espace gigantesque qui n'est pas couvert par la nature. Mathias Germain, sur ces protéines de synthèse? Oui, je rajoute encore avec la notion de vertige. Vous avez évoqué justement la notion de collier, un ensemble d'acides aminés, mais leur structure ne se contente pas de ça. C'est que finalement, ce collier, il peut se replier sur lui-même et finalement atteindre des niveaux de complexité extraordinaires. Donc, je crois que sont des objets vraiment fascinants, en fait. Pour les auditeurs et pour les jeunes auditeurs, je compare souvent, quand j'essaye d'expliquer à mes enfants finalement ce qu'est une protéine, ce type de molécule, je compare ça à une sorte de petit casse-tête chinois, vous savez, des petites séries de cubes et qui peuvent se replier les uns sur les autres et ensuite faire des figures géométriques plus complexes, des gros cubes ou enfin bref. Et finalement, une protéine, c'est ça, mais encore à un niveau encore plus impressionnant. Oui, sachant qu'en plus, maintenant, il y a un niveau de complexité supplémentaire, parce qu'on a longtemps pensé dans la communauté que la fonction de la protéine était uniquement dépendante de sa structure tridimensionnelle, donc fixée. Mais on sait aujourd'hui qu'à peu près 30 à 40% des protéines chez l'humain, par exemple, n'ont pas de structure prédéfinie, donc ce qu'on appelle les protéines intrinsèquement déstructurées. Et elles ont aussi une fonction essentielle. Donc on a une avancée aussi conceptuelle de ce côté-là, c'est qu'il n'y a pas que la structure géométrique tridimensionnelle définie qui explique la fonction d'une protéine. Il y a tous les domaines qui relient ce qu'on appelle des linkers entre les domaines des protéines qui sont flexibles, qui n'ont pas de structure dédiée. Il y a toutes les régions intrinsèquement déstructurées qui sont aussi essentielles à la fonction des protéines. Et justement, sur la structure des protéines, peut-être aussi dire maintenant aussi tout de suite pourquoi c'est si important, même si vous venez de relativiser cette information, mais pourquoi c'est si important de comprendre la structure des protéines, hein. Environ donc 200 millions de protéines sont connues, mais on connaît la structure 3D de 170 000. Quel intérêt de connaître cette forme 3D? C'est toutes les propriétés déjà donc spatiales, c'est-à-dire qu'on va pouvoir connaître les acides aminés qui sont enfouis à l'intérieur de la séquence et qui sont pas accessibles, qui forment ce qu'on appelle le cœur hydrophobe, donc qui donne la forme de la protéine. Les acides aminés qui sont à la surface de la protéine, qui donc sont accessibles aux solvants et qui vont être accessibles pour interagir avec d'autres partenaires et d'autres protéines. Et pour les enzymes, si on arrive à avoir une structure atomique à haute résolution, on peut voir les sites actifs avec les acides aminés qui sont impliqués dans la catalyse, avec les ions éventuellement s'il y a des ions qui sont impliqués. Et évidemment, donc ça donne des idées du mécanisme, ça donne des informations sur les interactions protéines-protéines, puisque comme l'a dit Elodie, les protéines n'agissent pas seules et forment des complexes et dialoguent entre elles. Et donc comprendre comment elles s'organisent en trois dimensions, quels sont les acides aminés à la surface, quels sont les acides aminés en interface avec des partenaires, c'est essentiel pour à la fois la compréhension des mécanismes et à la fois pour des intérêts thérapeutiques, si on veut aussi à long terme cibler avec des molécules pour inhiber des fonctions. Il faut connaître la structure des protéines. C'est que la structure d'une protéine, ça détermine sa fonction. Et l'odilène, c'est un peu comme une clé dans une serrure. Leur forme nous renseigne sur leur rôle. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, y a déjà un intérêt d'avoir la structure qui est simplement de voir la protéine prendre corps, en fait. Parce que finalement, une séquence, nous, on va la représenter avec des lettres qui sont les acides aminés. C'est une représentation possible. Il y en a d'autres. Mais fondamentalement, les protéines sont des objets physiques. Donc, ils sont dans la réalité tridimensionnelle. Et donc, finalement, quand on accède à toute la position en 3D des atomes, on voit véritablement l'objet, comment il est et du coup ça peut servir de point de départ pour comprendre aussi comment il fonctionne, comment il se comporte. Donc et aussi le fait que effectivement une séquence de lettres, c'est quelque chose de linéaire. On ne voit pas vraiment le rapport ou les liens, les dépendances entre les différentes lettres. Quand on voit un objet en 3D, on voit des proximités tridimensionnelles qui nous renseigne sur qui est vraiment en train d'être en contact avec qui, quels sont les acides aminés qui interagissent, et du coup, comment cette forme, elle peut avoir une action. Il faut rappeler, quand on parle justement, vous évoquez l'intérêt thérapeutique, il faut rappeler que la majorité des médicaments sont de petites molécules qui font leurs effets en se liant à une protéine, soit du corps humain, soit de l'agent pathogène, bactéries, virus, et qui va perturber le fonctionnement de cette protéine, Mathias Germain. Oui, je dirais en fait que on vient d'évoquer la structure de la protéine, mais la protéine c'est un objet entre guillemets, j'allais dire vivant, c'est une erreur, mais elle bouge en fait. Il y a cette notion d'interaction et c'est une structure dynamique et c'est ça qui fait toute la richesse et qui fait que c'est un élément essentiel de la vie. Donc on le retrouve pour les cellules, mais évidemment après au niveau du tissu, etc. Et bien connaître une protéine, c'est aussi bien connaître aussi ses mauvaises formes. On n'a pas évoqué, mais on peut parler juste regarder ça sous l'angle des maladies. Il y en a une qui fait peur à tout le monde, c'est Alzheimer, et on sait qu'il y a un certain nombre de protéines. Dans le grand public, on connaît un peu la protéine tau, le peptide bêta-amyloïde, tout ça sont des protéines qui ont une forme particulière et comprendre pourquoi elles sont devenues comme ça et comment elles interagissent les unes avec les autres, c'est extrêmement important. Pour Alzheimer, en effet, maladie qui est liée à un dysfonctionnement du repliement des protéines. Et vous, Alexis Verger, vous travaillez avec des médecins qui sont face à des pathologies qui sont dues à des mutations sur certaines protéines avec parfois un seul acide aminé qui est différent. Oui, ça c'est super intéressant parce que quand on va parler d'AlphaFold, ça permet aussi de rejoindre des thématiques qui sont pas obligatoirement toujours en contact. Et évidemment, les médecins qui travaillent sur des pathologies humaines qui sont associées à des mutations donc dans des protéines et associées à des maladies n'ont pas l'expertise biochimique ou de la structure des protéines, mais ils sont évidemment très intéressés pour essayer de comprendre et faire la relation entre la mutation et le phénotype de la maladie. Et évidemment, avec la structure ou avec les modèles par l'intelligence artificielle, on change un peu de perspective parce que on peut voir le modèle en trois dimensions, expérimental ou prédictif, et éventuellement aussi, enfin, visionner exactement où se situe l'acide aminé dans l'espace en trois dimensions de la mutation particulière de la maladie, et on peut faire des hypothèses de travail par rapport à la structure de la protéine et par rapport à la position de l'acide aminé, la nature de la mutation, et sans la structure tridimensionnelle, c'est beaucoup plus compliqué de faire des hypothèses. Donc c'est essentiel de connaître la structure. Alors justement, pour connaître ces structures, j'avais une question pour vous, Alexis Verger. C'est aujourd'hui, quels sont les outils pour les voir? Comment vous les regardez, justement? Il y a trois grandes méthodes expérimentales qui sont utilisées depuis très longtemps, donc qui sont de ce qu'on appelle la RMN, donc la résonance magnétique nucléaire, la cristallographie, donc la diffraction des rayons X, et maintenant la cryomicroscopie électronique. Donc ce sont les trois grandes technologies pour étudier la structure des protéines. Et tout d'abord, il faut beaucoup de matériel. Donc chaque technologie a ses spécificités, mais il faut beaucoup de matériel. Il faut une protéine pure dans des quantités. On parle de milligrammes de protéines à purifier pour pouvoir après accéder aux expériences. Donc ça, c'est tout le travail qui est fait en amont dans ce qu'on appelle en biochimie. Il faut exprimer la protéine, il faut la purifier par rapport à toutes les autres protéines qui sont dans et la concentrer. Et après, donc, selon les cas, on applique soit la RMN qui permet d'accéder à la dynamique des protéines, puisque c'est les structures en solution. Donc là, on a des informations sur la dynamique. Sinon, on fait ça de manière encore empirique pour la cristallisation, c'est-à-dire qu'on teste des centaines de conditions avec un robot et des centaines de conditions pour essayer d'obtenir des cristaux de protéines qu'on va après passer sur les lignes synchrotron et faire diffracter aux rayons X et après étudier les données de l'expérience. Et puis maintenant, il y a la cryomicroscopie électronique qui est la première révolution qu'on a eue en biologie structurale, et la deuxième a été AlphaFold. Donc là, sur les 10 dernières années en biologie structurale, on a vécu deux révolutions technologiques coup sur coup. Ouais. Justement, AlphaFold qui résout un défi scientifique vieux de 50 ans. Alors aujourd'hui, il y a des bases de données, la protéine databank qui contient environ donc 180 000 structures de protéines. Pour ce qui est des séquences des acides animés, il y a la base de données de séquences UniProt avec plus de 200 millions de protéines. Comment AlphaFold s'en tire? Comment ça marche? Et peut-on donc parler d'une révolution pour la recherche fondamentale? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En direct sur France Culture, on fait un peu de bioinformatique avec Élodie Laine et Alexis Verger. Une émission en partenariat avec le magazine La Recherche et co-animée avec Mathias Germain. On vient de parler des formes spatiales des protéines, la succession de leurs maillons, les acides aminés. On vient de parler de l'importance de l'étude et de la compréhension des mécanismes de repliement des protéines pour permettre le développement de nouveaux médicaments. Parlons à présent d'un tournant. En 2018, AlphaFold, cette intelligence artificielle qui apprend de toutes les structures déjà identifiées, à dessiner, à partir d'une seule séquence d'acides aminés, qui parvient à dessiner la structure d'une protéine. Alexis Verger, à quel point c'est une percée, ça? Ça change clairement la donne, mais alors j'aimerais bien rappeler aux auditeurs d'abord que, comme toute intelligence artificielle, dans l'apprentissage profond, il faut une base d'apprentissage, et sans les 150 000 structures expérimentales que vous avez évoquées, qui sont résolues depuis plus de 50 ans par des milliers de scientifiques à travers le monde. Je pense qu'AlphaFold n'existerait pas, puisque ce sont des structures expérimentales qui ont été validées, qui sont de très grande qualité, et c'est grâce à ces données expérimentales académiques que le deep learning et l'intelligence artificielle a pu mouliner les millions de données et apprendre comme ça à prédire des structures. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est, comme vous avez dit aussi, la qualité des bases de données de séquences de protéines, puisque AlphaFold se base aussi sur ce qu'on appelle les alignements de séquences multiples. Donc, puisque quand vous avez votre séquence primaire en acide aminé de votre protéine d'intérêt, vous allez faire des alignements chez les homologues, chez les autres organismes, parce que les protéines peuvent être conservées dans la fonction, mais pas obligatoirement en séquence. Et donc, en faisant des alignements de milliers de séquences, l'intelligence artificielle va pouvoir trouver les positions clés qui sont conservées et qui sont déterminées. Et il y a aussi le concept de coévolution qui est essentiel à AlphaFold. Parce que c'est dans les années 90 que ce concept a émergé, ou des séquences de protéines qui évoluent et qui n'ont pas les mêmes positions dans les acides aminés, mais si elles évoluent à des positions au même moment de chaque côté par rapport à la protéine de départ, on considère que ces deux acides aminés-là sont proches dans l'espace et donc vont aider à faire la forme en trois dimensions, parce que les mutations qui s'accumulent au cours de l'évolution évoluent de manière coordonnée, deux par deux, par exemple, et donc ça veut dire que ces deux acides aminés-là sont proches dans l'espace et ça permet comme ça de donner une clé pour résoudre une partie de la structure. Quoi. On va mettre un peu les mains sous le capot, si je puis dire. Élodie Laine, comment ça fonctionne AlphaFold ? Parce qu'il y a eu deux versions. Il y a eu AlphaFold, la version 1 en 2018 et la deuxième en 2021. Sur quoi se base cette intelligence artificielle ? Oui, alors effectivement, donc il y a eu beaucoup de différences entre la première et la deuxième version. Donc pour résumer un peu, la première version était beaucoup inspirée des techniques de traitement de l'image. Donc on entend donc les deux versions de toute manière sont des systèmes d'intelligence artificielle qui reposent sur de l'apprentissage profond, ce qu'on appelle le deep learning. Donc ce sont des réseaux de neurones profonds. Et donc dans la première version, il s'agissait de convolution, donc on entend pas mal parler de ce terme quand il s'agit du traitement d'image, donc on passe des filtres sur une image, et là on avait une représentation en fait des données de séquence par des matrices qu'on peut voir comme une image. Et en fait, la première version a déjà très bien marché, on a vu de très bonnes performances dans la compétition de prédiction de structure CASP, mais elle n'arrivait pas à obtenir des résultats exceptionnels, on va dire. Donc, il y a eu une refonte complète d'AlphaFold pour la deuxième version. Et là, on a vu l'apparition plutôt de techniques qui sont inspirées du traitement du langage naturel. Donc, on peut penser à ChatGPT, par exemple. Ce sont des techniques un peu similaires. Et donc, l'idée de ces techniques, de ces architectures, c'est d'apprendre à reconstituer des phrases. Donc, si on a une phrase en langage naturel, on va, par exemple, masquer un mot et le modèle est entraîné à retrouver ce mot. Donc, on peut faire la même chose avec les séquences de protéines. On va masquer une lettre qui correspond à un acide aminé et le modèle est entraîné à reconstituer, à trouver cette lettre. Et ici, donc, comme l'a dit très bien Alexis, on a la capacité, en plus, d'utiliser de l'information additionnelle. Donc, en fait, il faut quand même pas perdre de vue qu'AlphaFold, il ne prédit pas une structure à partir d'une séquence seule. Il se repose vraiment beaucoup sur l'information qu'il obtient d'autres séquences qui sont donc ce qu'on appelle des homologues, qui sont finalement des protéines dans différents organismes, différentes espèces, qui ont un ancêtre commun avec la protéine qui nous intéresse. Et donc c'est vraiment la capacité à exploiter cette information. Et donc, au lieu de finalement deviner juste une lettre dans la séquence qui nous intéresse, on peut deviner des lettres dans tout cet alignement de séquences dont on dispose. Donc, finalement, on a aussi une espèce de représentation en 2D comme une matrice. Et donc, ça, c'est vraiment fondamental pour trouver les motifs, les relations, les interdépendances entre les positions. Et ce qui est un peu formidable, c'est justement avec cette notion de coévolution, comme le disait Alexis, finalement, quand on arrive à extraire ces informations de covariation entre positions, d'interdépendance entre acides aminés à travers ces séquences, on arrive quasiment parfaitement à trouver une matrice de distance 3D. Donc, on a l'empreinte de la forme 3D de la protéine dans les séquences. Oui, c'est ça, Mathias Germain, c'est que pour donner ces prédictions, l'outil s'inspire des modèles de linguistique, parce que ces méthodes du langage fonctionnent bien en chimie, il y a plein de similarités. Oui, comme vient effectivement de l'expliquer très bien Élodie. Oui, c'est vrai que c'est inspiré de ces modèles de langage, mais j'avoue que moi je connais pas bien ces systèmes-là. Je suis pas un spécialiste d'intelligence artificielle, mais je crois que l'arrivée d'AlphaFold 2 en fait a vraiment révolutionné la communauté scientifique, et je crois que ça a même eu une portée plus large. Enfin, je crois que Alexis Verger, vous m'en parliez juste avant un petit peu, ça a eu vraiment un impact très très fort. La publication de cet outil. Et vous utilisez AlphaFold tous les jours, il me semble. Pas tous les jours, mais c'est devenu un outil essentiel, c'est clair. Je pense que, alors, pour juste rajouter il n'y a pas que AlphaFold, il y a aussi d'autres systèmes d'intelligence artificielle pour prédire les structures des protéines qui sont parallèles, et donc on peut les utiliser. Donc il y a Rosetta Fold aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler, donc qui a été développé par David Baker aux États-Unis. Il y a ESM Fold qui a été développé par Meta, donc anciennement Facebook, puisque les sociétés privées sont, avec leur puissance de calcul, sont très intéressées et ont les moyens de se lancer dans ce genre de défi. Donc c'est aussi très intéressant de comparer les différents systèmes de machine learning et de comparer les prédictions de structures pour voir si elles convergent. Des fois, il peut y avoir des différences parce que, comme l'a dit Elodie, elles ne sont pas exactement basées sur la même stratégie. Et moi, ce qui m'a impressionné, en dehors d'être un utilisateur d'AlphaFold, c'est l'impact que ça a eu au-delà de la communauté de base, c'est-à-dire les modélisateurs, les théoriciens qui font des prédictions de structure, ou ceux qui font la structure expérimentale. Ça a vraiment diffusé dans tout le monde des sciences de la vie, parce que voilà, la protéine, c'est au centre des fonctions. Il y a des gens qui font de la physiologie, qui n'étudient pas la protéine en tant qu'objet, mais qui ont des protéines dans leur problématique et qui sont allés regarder par curiosité dans les bases de données de DeepMind la prédiction de structure de leurs protéines d'intérêt, mais si la structure n'était pas connue, à quoi elle ressemblait, est-ce que ça donnait des informations sur la fonction. Comme je vous disais tout à l'heure, les médecins sont très intéressés par rapport aux mutations ponctuelles associées à des pathologies. Et juste pour donner un chiffre à nos auditeurs, moi ce que je trouve assez fabuleux, donc le papier de John Jumper et de Hassabis, donc date de août 2021, donc ça fait à peine 3 ans. Aux dernières nouvelles, j'ai regardé hier, il a été consulté 1,5 million de fois, c'est-à-dire téléchargé, lu ou consulté, ce qui est assez phénoménal. Et il y a plus de 10 000 citations de ce papier en même pas 3 ans. Ce qui est totalement hallucinant. Il y a très peu de papiers scientifiques sur le long de leur carrière qui ont déjà autant de citations, ou alors si c'est 10 000 citations, c'est sur 50 ans d'existence, pas 3 ans. Et donc ça représente l'impact, parce que dès que des gens vont utiliser un modèle pour discuter de leurs résultats, ils citent AlphaFold et toutes les revues qui ont été écrites, et tous les gens, puisque l'algorithme a été publié et disponible pour toute la communauté, tous les expérimentalistes et les théoriciens, surtout, qui sont spécialistes de ça, ont utilisé le code relargué par DeepMind pour l'adapter à leur propre problématique, pour le modifier, pour l'améliorer, et c'est juste phénoménal. Oui, parce qu'AlphaFold est gratuit, son code est en open source. Elodie Lenne, on peut parler donc d'une révolution méthodologique. Oui, vraiment, donc c'est le papier en lui-même, l'article, il comporte un nombre important d'algorithmes, d'innovations méthodologiques. Donc, il y a des choses qui sont. Donc, il y avait déjà cette idée de coévolution, elle est là depuis longtemps. Elle avait déjà été exploitée. Donc, là-dessus, on peut dire que les développeurs, les auteurs d'AlphaFold se sont un peu reposés sur les acquis qui avaient été faits avant. Mais au-delà de ça, il y a vraiment plein de questions, de problèmes qui sont associés à la prédiction de structure et qui ont été résolus de manière assez élégante par AlphaFold. Donc, si je peux donner quelques exemples, il y a un challenge, un défi particulier avec les objets en 3 dimensions, c'est que finalement, votre objet en 3 dimensions, donc la structure, qu'elle soit dans n'importe quelle orientation, ça va pas changer sa qualité globale. Donc, il y a un problème de symétrie en 3 dimensions qu'il faut prendre en compte. Et donc, c'est pas évident de déterminer quel est le repère. Si vous êtes dans un repère global, en fait, alors il y a ce problème aussi pour les images. C'est-à-dire qu'un chat qui est dans une certaine position ou qui est inversé, ça reste un chat, d'accord? Donc là, il y a aussi cette notion qu'on doit ne pas tenir compte de l'orientation. Et donc, par exemple, pour adresser ce problème, dans AlphaFold, il y a une représentation des acides aminés par des repères locaux. Donc, finalement, chaque acide aminé est vu par les autres. Et c'est comme ça qu'ils vont calculer l'erreur par rapport à la vraie structure. Donc, ça, c'est une façon assez élégante de résoudre le problème. On a aussi, par exemple, cette astuce qui est que, on parlait au début du collier de perles. Donc, ce collier de perles qui est la séquence des acides aminés, chaque paire d'acides aminés qui sont successifs sont reliés par des liaisons chimiques fortes. D'accord, si on casse ces liaisons, on dénature la protéine. Et ben ça, c'est pas explicitement intégré dans le modèle d'AlphaFold. Donc au contraire, ils se sont un peu libérés de cette contrainte, et ce qu'ils représentent, c'est un espèce de gaz de résidus. Et ça leur permet d'optimiser beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement la résolution de la structure, en enlevant une contrainte physique qui est importante. Et finalement, peut-être que la communauté un peu plus physique n'aurait pas forcément pensé à faire ça, parce que c'est un petit peu anticonventionnel, quoi. Alors, quelles sont les applications et les limites d'AlphaFold? Le deep learning peut-il vraiment prédire le potentiel de certains composés à devenir de véritables médicaments? Restez à l'écoute. Phoenix en direct sur France Culture, car nous parlons d'AlphaFold, l'IA de DeepMind, une émission en partenariat avec le magazine La Recherche, co-animée avec Mathien Germain, journaliste de notre partenaire chéri. Et on en parle avec nos deux autres invités du jour, Élodie Laine, professeure en biologie computationnelle à Sorbonne Université, et Alexis Verger, chargé de recherche au CNRS en biologie moléculaire et biologie structurale. Alors, comment le deep learning a été une révolution méthodologique pour la biologie moléculaire? On vient de le voir. On vient de voir également comment AlphaFold a résolu un défi scientifique vieux de 50 ans en 30 minutes. En parallèle, il y a d'autres solutions à base d'IA générative qui existent pour trouver de nouvelles molécules aux propriétés thérapeutiques. On en parle avec vous, Céline Lozen, bonjour. Bonjour Natacha. Pour le reportage du jour, vous êtes allée chez Akema, société pharmaceutique de nouvelle génération dont l'objectif est de mettre au point par cette approche des médicaments. Oui, de manière plus performante et plus rapide qu'un processus standard en pharmaceutique, la technologie d'Akema repose sur une IA générative, mais aussi sur le potentiel d'un principe bien connu en physique théorique, l'énergie de liaison, qui permet de prédire avec une grande précision le degré d'affinité entre une molécule et la cible thérapeutique. Maximilien Levesque, physicien quantique et CEO d'Akema, est à l'origine de cette stratégie qui est désormais testée en oncologie. Ce que je vous montre, ce sont des petits objets d'environ 10 cm chacun. Et là, le premier, c'est une protéine à l'échelle de ces atomes. Donc on voit un paquet de, 5000 atomes. Et ce qu'on peut voir, là, ce que je vous montre du bout du stylo, ce sont ce qu'on appelle des cavités. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'atomes. Et il se trouve que cette protéine, pour jouer son rôle, il faut qu'elle bouge, en fait. Donc là, je suis en train de vous montrer une sorte de mouvement que pourrait faire la protéine. Et l'autre objet que j'ai dans ma main droite, c'est une molécule. C'est un acide aminé. Là, il y a une vingtaine de boules de billard. Il y a des boules grises, des boules blanches et des boules rouges. Et chaque couleur représente un type d'atome. Les rouges, c'est les oxygènes. Les gris, c'est les carbones. Et les blancs, sont les hydrogènes. Avec une certaine configuration. Voilà. Donc là, c'est une très jolie configuration, puisque on voit un cycle à 6 carbones, un acide carboxylique, COOH. Et donc, C'est tout notre travail chez Akemia que de designer atome par atome la bonne molécule. Et en fait, c'est quoi le bon design ? C'est la molécule qui va venir donc pile dans le trou, dans la cavité, et elle va bloquer cette dynamique de la protéine. Et en bloquant la dynamique, elle bloque la maladie, en fait. Dans Akemia, il y a énormément de disciplines différentes. Il y a des mathématiciens, des physiciens, des chimistes, des biologistes, etc. Et c'est à l'image de la façon dont on a créé Akemia avec Emmanuel Marciano, donc, qui a une formation d'ingénieur, mais qui ensuite a fait du conseil en stratégie. Voilà. Alors, moi je suis Emmanuel Marciano, je suis la cofondatrice de Maximilien et COO d'Akemia. Et effectivement, moi j'arrive avec un background beaucoup plus business, pas du tout académique, puisque je travaillais donc au Boston Consulting Group pendant une petite dizaine d'années pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie du software B2B. Et oui, ici on est dans un écosystème avec une grande diversité d'expertise et d'approches et d'intelligence. Vous par exemple, vous venez du milieu de la finance. Oui, alors moi c'est Nicolas Canouich, j'ai eu la grande chance de rejoindre Akemia il y a un peu plus de 2 ans. J'ai une formation d'ingénieur de l'École Polytechnique, et j'ai commencé ma carrière en finance de marché. Et depuis, des startups comme Akemia se sont fondées, et j'ai eu la chance de pouvoir appliquer ce savoir-faire à un domaine qui a beaucoup plus de sens, d'après moi. Vous avez souligné quelque chose d'intéressant, ouais. C'est trouver la bonne molécule. Et aujourd'hui, oui. On sait que par IA, on peut générer des quantités de configurations moléculaires très vastes. Qu'est-ce qu'on appelle trouver la bonne molécule ? On sait que pour mettre au point un médicament, il faut qu'elle fit avec une cible thérapeutique associée à une maladie, une pathologie. Oui. Et là réside toute l'intelligence que vous développez ici. Exactement. C'est quoi la bonne molécule ? Le bon principe actif ? C'est celui qui va venir bloquer le mécanisme de la maladie sans rien bloquer d'autre. Parce que bloquer d'autres choses, ça fait des effets secondaires. C'est de la toxicité. Et donc, comment est-ce qu'on bloque le mécanisme d'une maladie, en fait, c'est en inventant la molécule qui va venir s'accrocher sur une protéine dans le corps et l'empêcher de jouer son rôle dans la maladie. Un des mécanismes vraiment physiques que vous exploitez, c'est l'énergie de liaison, qui est derrière ces affinités qu'on recherche à opérer dans votre process. Alors en fait, c'est-à-dire que la molécule qu'on design, c'est une molécule qui va faire les bonnes interactions entre chacun de ces atomes constitutifs et chacun des atomes constitutifs de cette cible thérapeutique. Et la technologie au cœur d'Akemia, c'est une façon de calculer précisément et très rapidement à quel point les liaisons sont bonnes ou mauvaises, à quel point les énergies libres de liaison, et c'est très physique et mathématique, mais pour une plus grande fierté, ça se trouve être très utile en recherche de médicaments. De manière très pragmatique ici, dans vos laboratoires, il n'y a pas de paillasse, il n'y a pas non plus des baies de machines qui turbinent. Parce que justement, votre stratégie est à la fois très rapide, très précise, elle ne requiert pas toute cette surpuissance calculatoire. Non, c'est ce qui nous rend unique, c'est-à-dire qu'il existe des technologies qui permettent de prédire dans l'ordinateur et de façon assez précise et rigoureuse si un candidat médicament s'accroche bien à sa cible thérapeutique. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans Akemia ? Une IA générative invente des centaines de millions de molécules et de l'autre côté, il y a un calcul mathématique physique qui lui dit cette molécule fait les bonnes énergies libres de liaison ou pas. Voilà. C'est comme une sorte d'opération d'itération que vous faites virtuellement où vous télescopez les atomes entre eux, le ligand et la cible, pour voir comment ça matche voir ce qui se passe dans cet espace-là. Exactement. En fait, et au début, cette IA générative a inventé des dizaines de millions de molécules, quasiment toutes inutiles. Dans l'ordinateur, on les teste grâce à ce calcul très efficient. Et l'ordinateur, la physique, détecte quelques interactions atomiques qu'elle renvoie à l'IA générative en lui disant « ça, cette interaction-là, elle était pas mal du tout. Essaye d'en faire plus des molécules, plus de candidats avec ce type d'interaction. » Et puis on itère comme ça, elle en génère 10 millions de plus, un peu meilleur, et puis de nouveau du feedback, et puis 10 millions de plus, 10 millions de plus, jusqu'à ce qu'on soit convaincu que ce sont les bonnes molécules, qu'elles vont être très efficientes sur la cible thérapeutique, donc bloquer la maladie, et non toxiques. Et c'est à ce moment-là qu'on fait appel à des prestataires qui fabriquent en vrai, à la paillasse, nos molécules, des chimistes, et puis qui les testent dans des cellules, et puis dans des cellules malades, et puis dans des animaux. Aujourd'hui, on a des projets, trois projets, qui sont en train d'être testés dans des animaux, dont le projet le plus avancé, on a pu vérifier que notre molécule, inventée dans l'ordinateur, si on la donne à une souris qui a une tumeur, on voit la tumeur réduire. Et c'est que le début. On espère que nos premiers projets rentreront dans l'humain pour les tests cliniques en 2025, fin 2025. Merci Soline Lozen pour ce reportage. Elodie Laine, une réaction à ce qu'on vient d'entendre? Oui, mais c'était très intéressant. Je peux peut-être réagir sur ce qui a été dit au début sur le fait de bloquer la dynamique. Donc là, ça nous ramène un peu à ce qu'on disait au début, que finalement, la structure pour une protéine donnée n'est pas non plus unique. Donc on peut avoir... la protéine est en constant mouvement du fait qu'elle va interagir avec des partenaires ou d'autres molécules. Et du coup, ça peut être une stratégie payante de cibler finalement ces mouvements plutôt qu'une structure statique pour essayer de bloquer un mécanisme. Et là, on peut rebondir justement sur AlphaFold et la qualité des prédictions d'AlphaFold. Donc, il y a peut-être une balance à trouver aussi entre comment représenter la dynamique et avoir une bonne précision et une bonne qualité sur les structures. Donc actuellement, les structures AlphaFold sont très très précises, mais du coup, pour les cibler avec des petites molécules, ça peut poser problème dans le sens où si on est très précis et en même temps statique, on ne prend pas forcément en compte les réarrangements de formes qui peuvent se faire suite ou pendant la fixation de la petite molécule. Donc cet aspect dynamique, il est important et c'est peut-être un peu la prochaine étape de vraiment bien le prendre en compte pour cibler les protéines avec des petites molécules. Ce qu'on entendait également dans ce reportage, ce qui est difficile, c'est de savoir si des molécules sont intéressantes ou pas. Alexis Verger, c'est difficile d'entraîner une IA pour prédire si la molécule est active sur une cible thérapeutique. Oui, parce que vous allez pouvoir prédire éventuellement la zone d'interaction et la compatibilité physico-chimique entre votre molécule et la surface de la protéine. Comme a dit Elodie, il y a toutes ces histoires de dynamique qui sont pas encore capables d'être pris en compte, mais on va y arriver. Puis après, vous avez toutes les problématiques derrière de ce qu'on appelle la biocompatibilité, c'est-à-dire que vous pouvez synthétiser chimiquement des molécules, les designer sur ordinateur pour voir si elles sont compatibles et vont bloquer votre protéine, mais il y a des molécules chimiques qui sont solubles que dans les solvants, qui sont pas solubles dans l'eau, qui veulent évidemment la toxicité, tout ça. Donc les étapes derrière d'essais en cellules et tout ça, c'est encore très compliqué parce que voilà, vous avez des molécules qui vont être uniquement solubles dans un produit très toxique qu'on appelle le DMSO en fait ça va tuer les cellules, pas parce que c'est la molécule qui tue les cellules, c'est parce que vous êtes dans un produit chimique qui lui-même tue les cellules. Donc il faut aussi que les molécules qu'on design soient solubles dans un solvant, enfin dans de l'eau ou tout ça, sinon ça peut être aussi le solvant lui-même peut être toxique. Donc il y a ces problématiques là derrière, quoi. Mathias Germain. Oui, là, ce qu'on voit avec le reportage, c'est qu'effectivement, il y a un vrai foisonnement de recherche autour des outils utilisant l'intelligence artificielle pour essayer de mettre au point des molécules. Et j'ai une question, en fait, par rapport à AlphaFold, une question pour à la fois Elodie et Alexis. Est-ce que ce système, finalement, c'est un système qui est encore ouvert, dans lequel vous pouvez intervenir, que vous pouvez utiliser et modifier, ou c'est quelque chose de fermé? Ou est-ce qu'il y a des interactions que vous pouvez avoir avec les chercheurs de DeepMind qui développent cet outil? Alexis Verger. Alors moi, j'ai pas du tout l'expertise en intelligence artificielle ou en code informatique, donc je serais incapable de vous répondre de ce côté-là. Je pense que c'est certainement évolutif pour les théoriciens qui ont des vraies problématiques et qui vont questionner l'intelligence artificielle. Moi, je l'utilise par rapport à l'outil dont j'ai à disposition, mais j'ai pas du tout l'expertise ou les compétences pour modifier l'algorithme ou pour l'adapter par rapport à mes problématiques. J'utilise ce qui est disponible, quoi. Mais Elodie Laine, pour répondre à cette question. Oui, donc c'est plutôt un système qui est ouvert. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le code est disponible. Et en fait, même ce qui avait été dit aussi, c'est en fait, je pense que une grosse partie aussi du succès d'AlphaFold, c'est le fait que la communauté s'est vraiment emparée de l'outil, mais aussi emparée du code, pour l'adapter à des problèmes différents, pour aussi le rendre beaucoup plus accessible, parce que de base, ça demandait quand même un investissement, et maintenant, on a des plateformes qui permettent de l'utiliser de manière très facile, et ça, c'est aussi la communauté académique qui a permis ça. Donc, ce qui est remarquable, c'est que dès que le code a été disponible, eh bien, il y a plein de chercheurs qui l'ont adapté, qui l'ont modifié. En plus, donc c'est quand même quelque chose qui est bien codé. Donc, on peut utiliser des modules d'AlphaFold pour les mettre dans d'autres systèmes. Donc, quelque chose qu'il faut dire aussi, c'est que il y a un laboratoire académique donc de Mohamed Al-Qureishi qui a recodé entièrement AlphaFold parce que le point noir, en fait, c'était qu'on avait accès au code, mais c'était pas possible de l'entraîner. Donc, ils ont complètement recodé avec une version en plus de logiciels, de librairies qui sont plus accessibles, qui sont plus utilisées, qui sont plus faciles en termes de documentation. Et donc, ça a permis aussi donc, de pouvoir avoir une espèce de copie d'AlphaFold qui est encore plus ouverte, modulable et qui en plus est entraînable. Donc là, oui, c'est vraiment une porte qui s'est ouverte pour plein de développements. Et on peut adapter vraiment des morceaux qu'on va mettre dans des technologies, dans des systèmes d'IA qui sont finalement plus à jour, qu'on a vu se développer dans les dernières années, pour aller au-delà de ce que peut faire AlphaFold sur certaines questions. On parle là de la création de nouvelles molécules. Il y a une chose qu'on n'a pas encore évoquée ensemble, Alexis Verger, c'est le repositionnement thérapeutique. Enfin, l'intelligence artificielle, ça peut servir à ça. Le repositionnement, c'est prendre un médicament qui est déjà sur le comptoir, qui a déjà donc passé tous les essais cliniques, mais c'est une nouvelle indication pour ce médicament, donc ça c'est plus simple et c'est mieux que de repartir de zéro. Tout à fait. Par contre, on n'est pas encore capable, avec la version d'AlphaFold actuelle, de faire comme ça des prédictions avec des molécules chimiques. Mais c'est la prochaine étape, hein, puisque maintenant, il va y avoir de l'intelligence artificielle qui va pouvoir faire ce qu'on appelle des modèles whole atome. Et donc là, on va aller encore à une autre étape. C'est pas uniquement prédire la structure des protéines, on va pouvoir prédire l'interface entre des petites molécules chimiques et la protéine d'intérêt, donc soit des molécules déjà connues et repositionnées, soit des nouvelles, ce qui demande évidemment une puissance de calcul phénoménale, hein, puisque si vous voulez screener 1 million de composés chimiques contre votre protéine pour savoir si AlphaFold vous prédit que la molécule interagit à quel endroit, il va falloir faire 1 million de prédictions de structure. Donc, c'est évidemment, il faut une puissance computationnelle astronomique. C'est des mois de calcul, même sur des supercalculateurs. Vous ne faites pas ça même sur une petite station de calcul dans votre laboratoire. Et puis, va aussi y avoir on va pouvoir prédire les interactions protéines-ligands, enfin protéines ADN, protéines ARN, les modifications post-traductionnelles des protéines, puisque les protéines sont à la fois dynamiques et à la fois certains acides aminés sont modifiés chimiquement, par exemple par la phosphorylation, qui joue un rôle essentiel dans la régulation de la fonction des protéines. Et la prochaine étape qui est demain, là, c'est aussi de pouvoir prédire et rajouter des modifications post-traductionnelles et sur les prédictions de structure. Donc c'est en perpétuelle évolution. Toutes les semaines, il y a des publications qui sont disponibles sur les évolutions d'AlphaFold ou les applications. Et en 3 ans de temps, voilà, ça devient de plus en plus difficile à suivre. On est à la prochaine étape, protéines ligands, protéines ADN, protéines ARN et modifications post-traductionnelles et dynamiques des protéines. Et Lou Dylaine, votre regard justement sur les étapes d'après? Oui, alors les étapes d'après, oui, bah, comme Alexis l'a très bien dit, je pense qu'il y a vraiment cette notion de mise en contexte avec l'ADN, avec d'autres protéines, avec des petites molécules, et qui forcément passe par des changements de forme, donc être capable de modéliser ça, donc c'est la prochaine étape par rapport à la structure seule. Alors peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce qui est disponible, bon, c'est la version actuelle d'AlphaFold, qui est finalement la deuxième version. A priori, il y a déjà des développements d'AlphaFold AlphaFold qui ont été faits depuis. Donc il y a eu une espèce de, alors pas vraiment une publication, mais en tout cas une publication de résultats. Donc on n'a pas accès à cette nouvelle version. Il y a une troisième version finalement sans doute qui fonctionne déjà et qui permet de faire cette prédiction en contexte et qui permet d'améliorer les performances aussi sur les complexes. Donc probablement que dans les mois qui viennent, on va voir cette troisième version ou d'autres développements. Et puis pour les défis, donc il y a cet aspect d'interaction. AlphaFold prédit beaucoup mieux les complexes que les méthodes qui existaient avant, mais il reste une grande partie des complexes qui ne sont pas prédits de manière satisfaisante. On a parlé aussi au début des protéines intrinsèquement désordonnées. Donc là, quoi faire quand on a une protéine qui est tellement flexible qu'on ne peut pas la fixer sur une structure tridimensionnelle unique. On a aussi un continuum, donc entre ces protéines totalement désordonnées et puis les protéines très stables, on va avoir des protéines qui peuvent juste adopter plusieurs formes en fonction de leurs interactions. Donc ça, c'est un champ très actif de recherche en ce moment, d'essayer d'utiliser notamment AlphaFold, mais aussi des méthodes complètement nouvelles. Mais il y a pas mal de travail qui se fait avec AlphaFold pour l'adapter de manière à ce qu'il soit capable de prédire non pas une forme 3D, mais plusieurs, et des formes tridimensionnelles qui sont pertinentes pour la fonction de la protéine. Et puis, il y a tout un champ aussi qui reste encore assez inexploré, qui est la diversité des protéines qui sont générées à partir d'un seul gène. Donc, chez les humains, comme chez les organismes multicellulaires eucaryotes, on a un phénomène qui s'appelle l'épissage alternatif, et qui fait qu'à partir d'un seul gène, on peut avoir plusieurs versions d'une même protéine. Et donc, par exemple, on peut avoir une version courte et une version longue. Et on sait que ces différentes versions, elles peuvent, dans certains cas, faire des choses différentes, être exprimées différemment. Donc, c'est un mécanisme qui est très impliqué dans le développement du cerveau, dans l'immunité. Et dans ce cas de forme courte et forme longue, en général, AlphaFold, s'il a la forme courte, il va prédire simplement une version tronquée de la forme longue. Donc, en fait, cette version tronquée, elle n'est pas physiquement réaliste. Donc là, il y a tout un champ aussi d'essayer de comprendre, trouver quelles sont les formes 3D de ces isoformes, de ces multiples versions. Et ça n'a pas encore été trop exploré. Voilà, de nombreux mécanismes et un beau chantier de travail, tout ça. On arrive à la fin de cette émission, mais il y a quelque chose aussi qu'il faut qu'on précise ensemble, Alexis Verger. On a dit que ces outils, cet outil, c'est un gain de temps considérable, c'est un accélérateur de recherche, c'est un accélérateur d'hypothèses, mais on ne pourra jamais se passer de l'expérimentation. Ah non, évidemment et heureusement. Je pense que c'est vraiment voilà, comme vous avez dit, un accélérateur de recherche, c'est-à-dire que on peut faire des prédictions et générer des hypothèses et après se concentrer, hiérarchiser les expériences qu'on va vouloir faire derrière par rapport aux prédictions des modèles. J'ai un exemple, par exemple, très concret. J'ai une collaboration actuelle avec une équipe qui travaille sur le virus syncytial respiratoire, donc et qui infecte les cellules humaines. Donc c'est responsable de la bronchiolite chez les enfants et qui cible des protéines cellulaires. Et donc il y a des structures partielles, mais on n'a pas exactement la structure de la protéine virale qui cible la protéine cellulaire. Et le modèle AlphaFold a prédit une interface et on a fait des mutations qui ont derrière en expérimental qui ont été validées. C'est assez exceptionnel et ça nous a fait gagner 6 mois de temps. Voilà pour le gain de temps fou. Alors dans quelques secondes, on retrouve Alexandra Delbo pour la chronique Avec Science. Mais un petit mot pour vous annoncer que le festival Reza commence dès aujourd'hui à Brest jusqu'au 24 mars, un festival où se rencontrent art et science. Et le nouveau magazine La Recherche, quant à lui, sort en kiosque ce jeudi. Merci à vous tous, c'est la chronique Avec Science. Comment l'univers s'est-il rayonisé? C'est l'une des transitions les plus importantes de son histoire parce que c'est celle qui l'a rendu transparent. Autour de 380 000 ans après le Big Bang, le gaz se refroidit, devient neutre et ses atomes d'hydrogène empêchent la lumière de traverser. En cosmologie, on parle des âges sombres de l'univers. Tout n'est qu'un épais brouillard et puis, progressivement, les atomes d'hydrogène vont perdre des électrons dans cette bouillie primordiale. Et c'est ça l'ionisation. Quand un atome de devient un ion chargé et les ions hydrogène, contrairement aux atomes, laissent passer la lumière. Seulement, les électrons ne s'arrachent pas comme ça, tout seuls. Les atomes ne deviennent pas ions sans un petit coup de pouce. Il faut un processus suffisamment énergétique pour le faire, mais lequel ? Jusqu'à présent, on ne manquait pas d'hypothèses, mais d'un outil pour voir dans les bonnes longueurs d'onde. Akimatek est chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris et auteur principal de cette étude parue dans Nature. Déjà avec les observations du fond diffus cosmologique, on avait déjà une idée de la période de quand est-ce que s'est passée cette réionisation. Et ensuite, en observant des sources très brillantes, en regardant les spectres d'absorption, on avait une idée de la transparence, en quelque sorte, de l'univers à cette époque-là. Donc c'est comme ça qu'on a tracé à peu près le processus de réionisation entre 500 millions et 1 milliard d'années après le Big Bang. La seule question qui persistait, c'était quelles étaient ces sources de réionisation. Et puis on avait plusieurs pistes. On avait des pistes de quasars, par exemple, qui sont ces trous noirs supermassifs qui pouvaient effectivement émettre un rayonnement très énergétique. Il y avait également les galaxies très massives qui pouvaient aussi émettre un rayonnement suffisant. Le meilleur candidat, c'était les galaxies de petite masse, tout simplement parce qu'elles étaient beaucoup plus nombreuses que les galaxies massives. Seul problème, même avec le télescope le plus puissant à l'époque, qui était le Hubble Space Telescope, on pouvait pas vraiment étudier ces galaxies à l'époque de la réionisation parce que Hubble observait dans le domaine visible et la lumière des galaxies distante et décalée vers l'infrarouge. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le James Webb Space Telescope a été construit pour aller regarder de plus près ces petites galaxies de l'époque de la réionisation. Mais il ne suffit pas d'avoir le bon outil pour aller voir aussi loin. Puisque ces galaxies sont extrêmement éloignées de nous, elles sont de très faible luminosité, de trop faible luminosité même pour le fabuleux James Webb. Il a donc fallu ruser. Et dans cette étude, ces scientifiques se sont aidés d'une lentille gravitationnelle. Il ne s'agit pas d'une lentille dur comme dans un microscope ou un télescope, mais d'un effet et l'une des prédictions de la relativité d'Einstein. La gravitation dévie la lumière. En se plaçant dans la visée d'un amas de galaxies très massives nommé Abel 2744, on peut créer une loupe cosmique, déformer l'espace-temps et donc littéralement grossir des objets très distants. C'est comme si on alignait deux télescopes, le James Webb et un télescope naturel. Résultat, les coupables de la réionisation sont bien les galaxies naines. L'un des obstacles avant, c'était qu'on observait des galaxies proches en se disant qu'elles pouvaient être les mêmes que les galaxies à l'époque de la réionisation, sauf que maintenant avec le James Webb, on observe les galaxies mêmes qui sont responsables de cette réionisation. On a confirmé que ces galaxies étaient à peu près 100 fois plus nombreuses que les galaxies massives. Et ensuite, en termes de propriétés, on a mesuré leur pouvoir ionisant, et donc cette lumière, la quantité de lumière ionisante qui sort de ces galaxies est 4 fois supérieure à ce qu'on pensait pour les galaxies normales ou plus massives. Et donc ça, c'est principalement grâce au type d'étoile, la population stellaire que ces galaxies abritent. C'est des étoiles extrêmement jeunes et massives de quelques millions d'années. Et ces étoiles vont brûler très rapidement leur carburant, mais en même temps émettre beaucoup, beaucoup de rayonnement ionisant. Et quand on combine le nombre de ces galaxies et la quantité de lumière ionisante qu'elles émettent, eh ben, le total est suffisant pour réioniser l'univers. Une hypothèse qui se confirme donc, à condition que cet échantillon d'objets célestes reflète bien la distribution du bestiaire galactique. Et c'est donc la prochaine étape, observer d'autres parties du ciel pour confirmer que c'est bien l'illumination des galaxies naines qui seule a permis de rayonniser l'univers. Un autre programme d'observation avec le James Webb fera usage cet été d'une autre lentille gravitationnelle avec une exposition très longue pour étudier des galaxies encore moins lumineuses et l'objectif est tout aussi excitant, capter la lumière des toutes premières étoiles créées dans l'univers. Et c'est aussi dans ces très petites galaxies qu'il faudra chercher. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozem, Garance Prima Agnolo, Bruno Sansini, Antoine Beauchamp à la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Sébastien Royer. Vous pouvez nous écouter en podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.